civilisation. Activité 1, page 33. Écoutez la chanson. J'aime les mecs de la région nord. J'aime les mecs qui font du sport. J'aime les mecs de Normandie. J'aime les mecs qui sont polis. J'aime les mecs du Languedoc. J'aime les mecs durs comme le roc. J'aime les mecs d'Alsace. J'aime les mecs qui sont tenaces. Je préfère les mecs du Roussillon. Je préfère les mecs aux cheveux longs. Je préfère les mecs des Pyrénées. Je préfère les mecs qui sont branchés. Ah, les mecs, ils sont extra. Mais nous, les filles, on est sympas. J'adore les mecs du Limousin. J'adore les mecs aux cheveux châtains. J'adore les mecs de la Côte d'Azur. J'adore les mecs qui ont de l'allure. J'aime les mecs de Provence. J'aime pas les mecs sans espérance. J'aime les mecs d'Aquitaine. J'aime pas les mecs qui me font de la peine.